Ursa Major, stress, marché noir. C'est quoi les pailles? Ça part en couille, ça tourne par au mec dans la tête des condés. Veulent nous renvoyer en charter alors que c'est eux les clandés. C'est le monde à l'envers, les mecs ont des chocs, veulent se faire fourrer. Ça bicrable à l'Edgar, du 16ème ovale, fourré tous les jours, c'est la mer. Les petits sortent de temps, les veulent y retourner. Pour une red bar sur ton palier, sont prêts à tomber. On passe à l'acte au préalable sans vente de crack, ma gueule. On nique ta race, si tu joues le mat, tu nous narques, ma gueule. Yo, bouteille de clanquant sous le bras, sur le terrain que des clés de bras. Pendant que tu tapes la lettre, prends. N'en fais pas toute une histoire, mais le rap est un business. On te fait montrer ce que tu veux voir, en cachant la tristesse. Faut pas que tu te faiblisses, reste droit, puissant et glisse. T'as mis à la demande, même devant les condés qui t'aimas. Toujours au point de départ, donc c'est normal qu'on redémarre. Laisse-nous cracher nos mollards, dans les cités notoires. Trop de gens font des rumeurs derrière mon dos, mais j'ai jamais peur de me ramasser des coups de couteau. Quoi qu'il en coûte, fonce tout droit et crois pas que ces petits bâtards vont me barrer la route. Alors écoute bien ce que je veux dire, quand j'ai trop de rage à revendiquer, car dans ma tête ça empire, j'suis obligé de tout niquer. Si tu essayes de me détruire, bande d'hypocrite, c'est tout ce que vous êtes. Vous me donnez de l'inspiration, ouais c'est tout ce que vous faites. Tu m'envies, après dès que tu me vois dans la rue tu me dis, wesh la famille ça vit. Mais en fait dans ta part tu veux me voir sans vie. Et si tu es vraiment de mon avis, méfie-toi des jaloux, ou tu risques de tomber dans leur pied jaloux. Mon ami, aïe. On cherche les fonds, tu crois qu'on est taille, on est fond, mais garde-toi de là, on n'est pas à fond. De toute façon tu verrais rien, bouffon, on est trop high. Juste, on cherche les fonds, tu crois qu'on est taille, qu'on est fond, garde-toi de là, on n'est pas à fond. De toute façon tu verrais rien, bouffon, on est trop high. C'est le petit dans la street, mais on fait pas dans les petites trims. La vie d'artiste, on brise des rêves comme des vitrines, c'est... Marche ou crève dans mes écrits, c'est des crises mines. Si t'as parlé dans mon dos, vends pas la peau d'un putain de grizzly. Du 18, dans les coins sombres au fond de la salle, c'est des vieux loups seuls, des violoncesses, des violons sales. On sort les gros comme Fréco, mangeur de bière. Y'a ceux qu'on frappe à terre et ceux qu'on ne frappe à terre. J'n'attends pas qu'on me félicite, j'ai fait mes sons dans l'illicite. Pareil qu'à homicide, si le rap est mort, on le ressuscite, sinon c'est le suicide. Direct que j'arrête de suite, m'appelle par le beat, mes cœurs, tout ça, mes cœurs comme les suspites. Bla, la mort subite, banalité dans mon district. J'ai mis du stress dans mes classiques, classiques à la piste street. Rien à foutre de faire classique, moi j'suis là pour mettre des chiffres. 2010 années du vice, pour objectif ramener du bif. Après 13 piges, j'ai sonné dans les halls, ça réalise enfin hein, qu'il y a du talent dans l'école. 18ème zoo. Depuis 94, à l'époque j'écoutais Porsche, toujours une 15 dans la poche. Aujourd'hui on débarque pour un comeback. Fumant, c'est l'heure de la mise à jour, pas celle de faire des sentiments. 2010, il s'agit pas de faire du bif, réagis. J'élargis mon champ de vision. À mesure que le temps passe, prends les bonnes décisions. C'est l'enfer à la surface qui paiera l'addition. Mission pour la famille, j'arrive en boulder. La voix, la forme et le fond, t'es plus en sûreté. Garçon, appelle toutes les unités. Le style est calibré, c'est un ballon. Ne pèse pas ton pantalon, la street a validé. On est venu pour changer la tonalité. Avec un flow, t'as pas idée. Et de la personnalité. Juste, on cherche les fonds. Tu crois qu'on est taille, qu'on est fond. Mais garde-toi de là, on n'est pas à fond. De toute façon, tu verrais rien, bouffon. On est trop high. Juste, on cherche les fonds. Tu crois qu'on est taille, qu'on est fond. Garde-toi de là, on n'est pas à fond. De toute façon, tu verrais rien, bouffon. On est trop high. Juste, on cherche les fonds. Tu crois qu'on est taille, qu'on est fond. Mais garde-toi de là, on n'est pas à fond. De toute façon, tu verrais rien, bouffon. On est trop high. Juste, on cherche les fonds. Tu crois qu'on est taille, qu'on est fond. Garde-toi de là, on n'est pas à fond. De toute façon, tu verrais rien, bouffon. On est trop high.